بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من تبعهم بإحسان اليوم الدين أما بعد. السؤال: هل سكوت العالم دليل على جواز الفعل وانتشار ذاك الفعل في وسط الناس؟ هل هو دليل على أنه يجوز؟ يعني كل cet acte se propage au sein de la umma en tout lieu, est-ce que cela veut dire que cet acte est permis? Est-ce que c'est un hujja, c'est un dalil? Les gens vont dire tout le monde fait ça. Est-ce que c'est une hujja? Là, c'est pas une hujja. La hujja vient du Coran, de la Sunna, à la fin, au salaf salih. Même si tu es le seul à la faire. Pas se baser sur la kasra. La kasra, c'est pas une hujja. Maintenant, si le haq sur la kasra, à mon tayyib. La plupart des gens sont sur la vérité, c'est une bonne chose. Mais le fait que la plupart des gens fassent une chose, cela ne veut pas dire que cette chose-là, en soi, est réelle, légiférée ou autre. Pour revenir au dalil. Ibn Wasil. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على الضلالة وعليك صار حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة. Donc il dit, si jamais tu dis que le fait qu'ils fassent tout cela, même toutes ces choses qu'on a citées dans le dars précédent, et que personne ne leur dit rien, il dit, si toi tu me dis cela implique que la communauté s'est réunie sur l'égarement du fait que personne n'ait blâmé leur acte. قال قلت الاجماع حقيقته اتفاق مجتهدي امه محمد صلى الله عليه وسلم على امر بعد عصره. OK, c'est quoi la... il dit, moi je te réponds quoi? Que l'ijma, c'est quoi le vrai ijma? C'est l'unanimité, le consensus des mujtahidin dans la umma de Muhammad, des savants qui sont aptes à faire de l'ijtihad sur une chose qui s'est produite après son temps. La salade, quelqu'un il dit à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque il y a eu ijma de telle et telle chose. On dit il n'y a pas d'ijma à son époque parce qu'il était là. C'est lui la hujja, son call c'est la hujja, pas besoin d'ijma. Et personne ne s'opposait à lui à son époque. L'ijma, c'est une chose qui vient après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ijma, le vrai ijma mortabar, c'est ijma al-sahaba. Après les ijma'at, il y a des aqsam et c'est dur d'établir un ijma. Très très dur. Quand ça va venir, inshallah. قَالَ وَفُقَهَا الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ يُحِلُّونَ الْإِجْتِهَادِ مِنْ بَعْدِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فَإِنْ كَانَ هَذَا قَوْلًا. طيب. وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما ما يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا. يدي لفقهاء دي مذاهب دي كات مذاهب يديس كي ني با بوسيبل دو فير الاجتهاد ابري لي كات ائمه ابري احمد ابري الشافعي ابري ابو حنيفه اي ابري مالك يديس يا با دي شيهاد ابري سي فيني. Donc là, il dit, c'est un kalam qui est batil. Tamam, kalam batil. Et les seuls qui prononcent ce genre de paroles sont des gens qui ignorent la réalité des choses. فَعَلَى زَعْمِهِمْ لَا إِجْمَعَ أَبَدًا مِنْ بَعْدِ الْأَيْمَةِ الْأَرْبَعَةِ فَلَا يَرُدُّ السُّؤَالِ فَإِنَّ هَذَا الْإِبْتِدَاعِ وَالْفِتْنَةِ بِالْقُبُورِ لَمْ يَكُنَّ لَهَادِ الْأَيْمَةِ الْمَذَاهِبِ وَلَا مَنْ نُحَقِّكُهُ فَالْإِجْمَعُ وُقُعُهُ مُحَلٌ. Donc il dit, donc là sur la prétention qu'il n'y a plus d'ijma' après les أَيْمَةَ الْأَرْبَعَةِ, il dit, donc il n'y a plus besoin de poser des questions. Car le fait que il y a eu ces faits autour des Qubur, ces choses que nous blâmons aujourd'hui, ça n'a eu lieu que quand? Après l'Aïmat al-Ba'a. Donc comment on fait maintenant? À leur époque, ça n'existait pas. Donc s'il n'y a plus d'Ijma après leur époque, il n'y a plus de... Non, mais il n'y a plus d'Ijma, il n'y a plus d'Ijtihad après leur époque, plutôt, on va dire. On fait comment? Plein de choses sont arrivées après leur venue. On fait comment maintenant pour résoudre ces problèmes-là? Les Masaïl nouvelles qui viennent, Masalan et Lyom, on a des Masaïl qui viennent, qui n'existaient pas à leur époque. Les Ousoul, elles sont là. Mais les fourreaux de ces masels, ils ne sont pas là. Comme on a actuellement, par exemple, dans quoi? Dans un exemple, L'intikhabat, les élections. Ce n'était pas leur époque. Donc aujourd'hui, pour répondre à cette question-là, tu ne peux pas retourner au mazahib. Il faut que tu reviennes aux savants de l'époque qui suivent les adillahs et qui suivent les salaf. Pour te dire, à notre époque, il se passe telle et telle chose. Et eux, bien évidemment, ils ne vont pas venir avec un nouveau hukm. Ils vont justement déduire un hukm des paroles des anciens qui s'adaptent à la situation actuelle. Ce n'est pas un truc nouveau qui vont sortir. Les ahkam, elles sont finies. Juste, ils savent où aller chercher, comment comprendre le dalil ancien pour l'adapter à la situation nouvelle. C'est ça qu'ils vont faire. Aujourd'hui, tout le monde n'arrive pas à faire ça. Bien, la plupart en sont incapables. La preuve, aujourd'hui, ils disent « va voter », pour te dire. « Alal Asaf ». Pour bien dire que la masala n'est pas compris. « Qal, fa'inna al-ummat al-muhammadiyata qad mal'at al-afaq wa sarat fi kulli ardin wa tahta kulli najmin fa ulama'uha al-muhaqqikuna la yanhasirun wa la yatam li'ahadin ma'rifatu ahwalihim fa man idda'a al-ijma' ba'da intishar ad-din wa kathrati ulama' al-muslimin fa innaha da'wa kadhiba kama qala a'immat at-tahqiq. Donc il dit que la umma de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est propagée dans tout le monde, dans le monde entier, tu la trouves. D'accord, sur toute la terre, tu trouves des musulmans. Et également, les ulama de cette communauté ne sont pas limités à un nombre restreint. Ils sont en plein d'endroits différents. Des fois même, tu ne les connais pas. Donc il a dit, et il n'est pas possible pour quelqu'un de pouvoir connaître leur hal à tous, tout ce qu'ils disent tous, tous les ulama. Donc il dit, celui qui prétend l'ijma après la propagation de la communauté dans le monde, et ainsi que ses ulama, il dit que ça c'est une prétention qui est mensongère. Comme l'ont dit certains aïmma, التحقيق كم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال عبد الله بن أحمد عن أبيه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس قد اختلفوا que celui que le عبد الله بن أحمد il a dit de son père, il a dit que celui qui prétend l'ijma, cela est un mensonge car les gens peut-être ont divergé, tu n'es pas au courant. Et là ce cours là il est valable pour le ijma al-zanni, l'ijma qui est supposé, et non pas l'ijma qui est muhakkak. Quand tu as des ijma'at, elles sont muhakkaka. Des choses sur lesquelles l'ijma, c'est ma'alouf. Et des choses sur lesquelles l'ijma, combien de fois dans les doulous, chéri dit ijma, en fait, il n'y a pas ijma. Chéri le samedi, quand nous, quel est l'ijma à la dîle mas'ala, et nawi, ou à l'ijma à la dîle mas'ala, seulement tu vois qu'en fait, il y en a d'autres qui ont khalaf, la mas'ala, il n'y a pas ijma. Donc, izbat al-ijma, ça, abdiddan. Aujourd'hui, que tu affirmes un ijma aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Très, très difficile. Il faut toujours faire attention. Non. Si jamais demain, tu as un ijma, on dit un exemple. Tu as 100 savants, 99. Ils disent un call et qu'il y en a un qui n'est pas d'accord. Ça, c'est le call d'Ibn Jarir, al-Tabari. Ibn Jarir, al-Tabari, Abu Ja'far, même Abu al-Tafsir. Lui, il voit ça dans son istilah. Il voit que si il y a un ijma sur le masalat, un jumhur, et qu'un contredit, il voit que ce n'est pas considéré. Son call, il n'est pas sawab. Si un contredit, il n'y a pas ijma. Ijma, ça veut dire qu'ils sont tous d'accord. Si un n'est pas d'accord, ce n'est pas un ijma. Il se peut que ce un, il ait raison. Il se peut que ce un, le haq soit avec lui. Donc le kalem d'Ibn Jarir, il n'est pas sawad. Mais ça, c'est... Si demain, tu entends Ibn Jarir qui dit à Ijma, vérifie. Parce que lui, dans son mustalah, il voit que si un ou deux contredisent Ijma, il ne prend pas en considération. Donc il faut vérifier. D'où l'importance de connaître les istilahat des ulama, savoir comment ils fonctionnent, pour savoir comment comprendre leurs paroles. Dans ce cours-là, il dit Ibn Jarir, il n'est pas sawad. Un Ijma, c'est un Ijma. Ijma, ça veut dire tout le monde. S'il y a un contredit, il n'y a pas Ijma. قال ثم لو فرض انهم علموا بالمنكر وما انكروه بل سكتوا على انكاره لما دل سكوتهم على جوازه فانه قد علم من قواعد الشريعه ان طائفه الانكار ثلاث انا وظائف الانكار ثلاث et dit même si on dit que ces ulama auraient su cet acte blâmable et qu'ils ne l'auraient pas blâmé qu'ils se sont tous sur ce blâme, sur ce munkar, ils n'ont pas parlé. Il dit, malgré tout, si on est sûr qu'ils l'ont su, qu'ils n'ont rien dit, leur soukout n'est pas une hujja. Car il dit justement, que les règles de la charia dans le Munkar Munkar sont de trois étapes. Awwaluha al-inkar bil yad, wa dhalika bi taghyir al-munkar wa izalati. Première étape, c'est changer le mal par la main. Voyez ? Faire l'inkar par la main, c'est-à-dire stopper ce mal par la main. Thaniha al-inkar bil lisan ma adam istita'ati al-taghyir bil yad. Deuxième, c'est par la langue, en parlant, pour celui qui est incapable de le faire par la main. Thalithuha al-inkar bil qalb 'inda 'adam istita'ati at-taghyir bil yad wa lisan. Troisième, c'est l'inkar par le cœur pour celui qui ne peut le faire par la langue et par la main, comme vient dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri. Hadha huwa adhaf al-iman. C'est le plus bas niveau de la foi, c'est l'inkar bil qalb. Fa intafa ahaduhuma lam yantafi al-akhar. Donc si deux d'entre eux ne se réalisent pas par la langue, du moins par la main et par la main et par la langue, alors le troisième, lui, il est obligé de se faire par le cœur, au minimum par le cœur. Un exemple, c'est le mourur fard min afrad ulama ad-din bi ahad al-makassiyin wa akhdh al-amwal al-mazlumin fa hadha fard min ulama ad-din la yastati'u at-taghyir bil yad ala hadha alladhi ya'khudhu amwal al-masakin wala bil lisan li'annahu inma yakunu sukhriyat li ahl al-usyan fa intafa shartu al-inkar bil wazifatayn bil wazifatayn wa lam yabqa ila inkar bil qalb wal ladhi wa adhafu al iman. Donc il y a un exemple. Si jamais un des ulama passe et voit ces gens qu'on a dit qui prenaient ces taxes sur les, on a expliqué le, ça s'appelle la, il appelle ça les majab, les, il avait dit quoi, majabi, non, on appelle le max, c'est une espèce de taxe qu'ils prennent aux gens justement. Et c'est ce qu'il faisait pendant le jour du Hajj. Il prenait de l'argent au jour du Hajj, de façon officielle. Il a dit, si jamais un alim, il passe, il voit cela, quand même, et il se tait. Il ne dit rien. Ni par la main, il ne l'empêche, ni par la langue, il ne le fait. C'est peut-être tout simplement du fait qu'il n'est pas en mesure de le faire, car s'il le fait, il aura des problèmes par la suite plus grands encore, que lui ne supportera pas. Donc lui, par contre, il lui reste quoi ? Le cœur. فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا عن الإنكار مع مشاهدة ما يأخذ ذلك الجبار أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه. Donc il est obligatoire pour celui qui voit ce alim, un alim qui est connu pour le khayr, bien évidemment, qui voit ce alim témoin de cette saisie venant de ce jabbar, ce tyran, ou un gouverneur, ou une personne déléguée par le gouverneur qui prend cet argent justement. Tu vois le alim ne rien faire, ne pas agir, il t'est obligatoire de penser du bien de lui, te dire que dans son cœur il a blâmé, il n'est pas d'accord. Pas mal ? Tu dois avoir husna dhon. Ça y est, on va en parler maintenant. Fa'inna husna dhon bil muslimin ahluddin wajib. Wa ta'wil lahum mahma amkana darbat lazib. Car le fait de penser du bien des muslimines, les gens de la religion, c'est une chose obligatoire. Et on doit leur trouver des excuses, tant que cela est possible. Et là, on parle bien évidemment des gens qui sont connus pour le khayr. Et qui, en apparence, laissent apparaître le khayr. Tu penses du bien de ton frère, tant que tu n'as rien qui t'amène à penser le contraire. C'est-à-dire, cette règle-là, il ne faut pas la prendre à l'absolu. Que le muslim, tu penses que du bien de lui. Il y a des muslimounes, tu les vois, tu ne penseras pas du bien d'eux. Et là, on parle de quelqu'un qui, en apparent, il n'y a rien de mukharafa sur lui, et tu ne vois aucun mal de lui en apparent. Tu penses du bien de lui. À la ma'rouf. Fal-dakhiruna ila al-haram al-sharif. ومشاهدون تلك الأبنية الشيطانية التي فرقت شمل الدين وشتتت صلوات المسلمين معذورون عن الإنكار إلا بالقلب كالمرين على مكسيين على الكبوريين وعلى الكبوريين. Donc ceux qui rentrent au haram, vous dites haram, et qui voient par exemple ces maharib qu'on a dit hier, qu'ils ont mis pour faire des salawat, des mazahib, asab al-mazahib, ils ont fait quatre maqamat différentes pour faire la salawat, le maqam des ashab al-malikiyya, le maqam des ashab al-shafi'iyya, wa kaza. Tu vois un alim qui passe là-dedans, qui voit cela et qui ne dit rien, ou qui voit ces gens qui prennent l'argent injustement, dis-toi que dans son cœur il a blâmé. Ou alors il passe devant ces kubouliyin qui font des actes blâmables autour du kubour, dans son cœur, inshallah, il a fait le blâme. Wa min huna yu'lam ikhtilal ma istamarra 'inda a'immat al-istidlal من قولهم في بعض ما استدلوا عليه بالإجماع أنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا Donc il dit là maintenant on comprend le façade de ce que certains imams, là je pense qu'imam, il parle de l'imam de Dalel, qu'ils ont pris comme preuve qu'il y a ijma tant que la chose n'a pas été prononcée, ce qu'on appelle ijma sukuti. Ijma sukuti, c'est un ijma du silence. Quand personne n'a rien dit, c'est qu'il y a ijma. Vous voyez, bah, même chose qui se passe, il voit que tout le monde ne dit rien, personne n'agit, c'est que tout le monde est d'accord. Du meilleur zema là. Et que justement, ces ulama qui ont vu ces choses-là au Masjid al-Haram, eux, s'ils n'ont pas parlé, c'est qu'ils ne pouvaient pas parler. Qui ont vu les maharib mortadifa, et qui ont vu les kouboulines faire ce qu'ils ont à faire, et qu'ils ont vu les saisies se faire, s'ils n'ont rien dit, inchallah, c'est qu'on dit qu'ils ne pouvaient pas le faire. Donc ceux qui disent que le soukout est une hudja, cela est faux. Il dit, وَوَجُوا اِخْتِلَالِهِ أَنَا قَوْلَهُمْ لَمْ يُمْكِرْ رَجْبُونَ بِالْغَيْبِ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَنْكَرَتْهُ قُلُوبُ كَثِيرَةٌ وَتَعَذَرَ عَلَيْهَا الْإِنْكَرْ بِالْيَدْ وَبِاللِّسَانِ وَأَنْتَ تُشَاهِدُ فِي زَمَانِكَ أَنَّهُ كَمْ مِنْ أَمْرٍ يَقَعْ لَا يَنْكِرُهُ بِلِسَانِكَ لَا تُنْكِرُهُ بِلِسَانِكَ وَلَا بِيَدِكَ وَأَنْتَ مُنْكِرٌ لَهُ بِقَلْبِكَ. Il dit, le fait de dire cela, c'est parler sans savoir. De dire que personne n'a blâmé. Car il se peut qu'ils n'aient rien dit par leur langue et par leur main, mais de leur cœur, ils le font. Il dit, combien de choses toi tu as vu à ton époque comme mal, de tes propres yeux, et tu ne les as pas changées ni par ta main ni par ta langue. Et pendant dans ton cœur, tu n'étais pas d'accord. Est-ce qu'on va dire que tu étais d'accord? Tu vas dire non. Et ben, c'est pareil pour eux. C'est pareil pour eux. ويقول الجاهل اذا راك تشاهده سكت فلان عن الانكار يقوله اما لائما او متاسيا بسكوته فالسكوت لا يستدل به عارف او لا يستدل به عارف وكذا يعلم اختلال قولهم في استدلال فعل فلان كذا وسكت الباق كان اجماعا مختل من جهتين. Donc là le jahil, si jamais tu vois en train de faire une chose, il fait une chose, il te voit en train de le regarder. Et il dit, Foulain n'a rien dit. Thomas. Ou que les imams n'ont rien dit. La Foulaine. Il veut quoi là, par là? Il veut te faire avoir des... Il veut, comment dire, comment on dit? Il y a une forme de reproche, en fait. Quoi tu parles, eux, ils n'ont rien dit. La Dalmana. Même comment toi tu parles et les imams, ils ont vu ça, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit eux. Donc on dit le silence. Aucune personne qui a un minimum de connaissances ne le prend comme preuve. Le silence. Comme le fait qu'ils prennent comme preuve que Foulen avait telle chose ou que les autres se sont tus. Cela veut dire qu'il y a Ijmar. Donc il dit cette parole-là, elle est reprise de deux points. Il dit الأولى دعوى سكوت الباقين تكرير لفعل فلان لما عرفت من عدم دلالة السكوت على التكرير. Il dit premier lieu, le fait de dire que tout le monde s'est tu sur le fiel de un tel, nous on a su que le sukut n'est pas un cautionnement. D'une part. La ثانية قولهم فكان إجماعا. Le fait de dire que c'est un إجماع, le fait que tout le monde s'est tu, c'est un إجماع. فإن الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا خلاف حتى يعرب عنه لسانه. وقال بعض الملوك وقد أثنى حاضرون على شخص من عماله وفيهم رجل ساكت ما لك لا تقول كما يقولون. قال إن تكلمت خالفتهم. Donc celui qui dit que c'est un ijma, c'est silence. On dit l'ijma, c'est quoi? L'ijma, c'est le consensus des mujtahidines de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui se tait, on ne peut ni dire qu'il est d'accord ni qu'il est contre. On ne le sait pas. Tant qu'il lui ne fait pas apparaître sa position. On ne peut pas savoir. Après, il donne l'exemple d'un roi. Un roi dont certaines personnes présentes feraient l'éloge d'un de ses employés. Il est un servant, par exemple. Des gens sont là et tous font l'éloge de son servant. Il dit, lui, il est un tel, il est bien, il est serviable, il est fidèle, il est loyal, il est honnête, et kaza et kaza. Et dans le groupe, il y en a qui ne parlent pas. Tout le monde pas, sauf un. Ça intrigue. Pourquoi il dit rien, lui? Ça? Ça prouve déjà que le silence, ça intrigue. Sinon, tu dirais pas que c'est là. Tu dis, pourquoi tu parles pas à toi? Il dit, si jamais je parle à un, je le contredirai. Donc, je parle pas. Donc, pourquoi il parle pas? Par crainte d'une chose. Donc, son soukout ne veut pas dire qu'il est d'accord avec eux. Il dit, si je parlerai, je dirai pas comme eux. Donc, je fais pas de pas parler. Donc, le soukout d'une personne sur une masse Allah, normalement, ça intrigue. Même c'est malouf aujourd'hui. Plein de gens, par exemple, dans les masail menhajiya, demain, t'as un homme, masalan, c'est un mubtadi'a. Il a des akhta kabira. Et il était à la base attribué à la salafia. Les ulama parlent sur lui. Cheikh Foulen takalama alayhi. Cheikh Foulen takalama alayhi. Cheikh Foulen takalama alayhi. Après, t'envoies un alim, il parle pas. Il dit rien du tout. Les gens vont dire, pourquoi il parle pas à lui? Ils vont dire, faut que tu parles, sinon on va croire que tu le défends. Pourquoi tu parles pas sur lui? Tu vois? On prouve que les gens, le silence, justement, souvent, quand tout le monde dit une chose et un c'était, ça intrigue. Pourquoi il parle pas? Ça peut être qu'il est d'accord ou pas d'accord, on sait pas c'est quoi son motif, mais les gens veulent savoir. Tu penses quoi d'un tel? Toi. On te connaît, t'as quelqu'un qui parle souvent et là t'as rien dit. Donc on a peur que toi tu sois pas d'accord. Donc c'est quoi ton motif? Et là il dit ce qu'il a à dire. Il dit non, je suis comme tout le monde, mais comme les autres ont parlé, il faut que je parle moi. Là, c'est la bayenne. Tout le monde va dire, moi je suis pas d'accord avec eux, et après il dit pourquoi. Mais son silence, on ne peut ni dire qu'il est d'accord ou pas d'accord. Mais lui après il peut dire, tout le monde a parlé, c'est un fort qui faillit, pas besoin que je parle moi. Mais vous voulez savoir ma position, je suis contre un tel aussi, je vois que ça nous peut dire. Khalas, vous avez entendu de moi. Khalas, les gens ils sont rassurés. Tout comme il peut dire, moi, la salle, je l'ai regardé, ma salane, je l'ai regardé, et ce qui a été critiqué à un tel, je dis c'est discutable, je suis pas d'accord. Mais je parle pas parce que ça va faire du façade. Ça va faire une fourcade, une division, donc j'attends le moment propice pour parler. Pour l'instant, c'est pas le moment de parler, ma salane. Un exemple. Après, est-ce que sa position, son excuse, elle est bonne ou pas, ça c'est autre chose, ça c'est pas le sujet. Là, on dit, si tu n'as pas parlé, pour des raisons, son silence ne veut pas dire qu'elle est d'accord ou contre. Juste, on lui demande pourquoi tu parles pas. Après, il répond. فما كل سكوت راد فإن هذا فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف واللسان ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه وقوله وكلامه فكيف يقوى فرد من أفراد على دفعه عما أراد. Donc il dit, ce n'est pas tout silence qui est un agrément, un cautionnement. Car toutes ces choses blâmables, la plupart du temps, elles ont été mises en place par qui? Par des gens qui ont l'autorité, justement. Des gens qui ont l'autorité. Donc les gens, souvent, ils ont peur de parler. Donc leur silence ne veut pas dire qu'ils sont d'accord. Des fois, ils ne parlent pas parce qu'ils ont peur pour leur personne. Un exemple, dans la Minha, l'épreuve de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Fima salat, kalamillah. Est-ce que le Coran, il est makhrouk ou pas? Combien se sont tués? Ou combien ont fait des talbissats pour pas dire le haq parce qu'ils avaient peur, mais c'était pas d'accord. Et combien, également, malheureusement, on dit ce qu'il fallait pas dire. Il y en a plein, ils ont pas parlé. Et justement, c'est pour ça que le Mahmoud, il a parlé. S'il n'aurait pas parlé moi ou certains, vite fait, qui étaient à côté de moi, la masala l'aurait pris tout le monde. Il fallait que quelqu'un parle. Donc il a parlé. Là, c'était un fort de wajib, aïni, sur lui ou d'autres, mais lui, il l'a fait. Il a assumé, d'où il a été, après, il a été élevé pour ça. Il a dit, si moi, je parle pas, au minimum, si je me tais moi, là c'est fini. Donc il a parlé, il a enduré. Et après, il a été élevé pour cela. Et d'autres parmi eux aussi, certains, pas beaucoup, aussi ils ont parlé, certains sont morts après la torture. Ils ne devaient pas nombreux à avoir parlé. Et celui qui a le plus enduré, qui est connu, c'est l'imam Ahmed, à ce moment-là. Donc les gens n'osent pas s'opposer à l'ordre de l'autorité de peur qu'ils leur fassent subir des choses que par la suite, ils pourraient supporter. Et ça, ça peut rentrer dans Ad-Daroura. Des choses que tu ne supporteras pas physiquement. On va te torturer, on va te faire du mal. Tu ne supporteras pas. Masalem. Dans ce moment-là, Ad-Daroura, Toubih, Al-Mahzourat. Là, ce n'est même pas un mahzour, c'est un soukout. Ce n'est même pas t'as dit je suis d'accord, c'est t'as rien dit. T'as rien dit. Mais que parfois, le soukout peut être pire que la parole. Ça dépend du sujet. Non. Fain Hadi. Après, il donne un exemple. Fain Hadi al-Kibab. والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة وذريعة للشرك وللحد غالب من يعمرها بل كل من يعمرها الملوك والسلاطين إما على قريب لهم أو على من يحسنون ظن به من فاضلين أو عالمين يزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توصل به ولا هتف باسمه. Donc il dit, justement, ces mausolées, on appelle ça mausolées, les mausolées, qu'on met au-dessus des couburs, là. Les mausolées, ça parle autre nom. Ça parle autre nom, c'est mausolées, on dit. Ces mausolées qu'on fait sur les couburs aujourd'hui, que l'on voit, les grands toits, là, qu'on voit sur les couburs, qu'on voit sur les machahis, sur les couburs, qui sont parmi les plus grands moyens qui mènent au shirk. Ma'arouf, ça mène à adorer ces couburs. Il dit, la plupart de ceux qui les ont mis, il dit même, je dirais même, tous ceux qui les ont mis, ce sont qui? Les moulouks, les rois, les gouverneurs, ce sont eux qui ont fait cela. Pourquoi ils ont fait cela? Soit pour un de leurs proches qui est mort, ils ont voulu l'honorer, ou une personne qu'ils aimaient parmi les ulama, ou les gens de vertu, ils ont voulu faire un ikram. Donc sur sa tombe, ils ont mis une grande bâtisse. Et les gens après sont mis à les visiter. Sans pour autant tomber dans le shirk au début. Même sans faire de shirk, juste ziyara, ils ont fait. Et eux, quand ces moulouks qui ont fait ça, leur but, c'était pas d'adorer ces gens-là. C'était juste pour honorer la chose. Comme par exemple, tu vois aujourd'hui, les masajids, comment ils ont été, toujours khalifat, ils ont été ornés. Ça, c'est mukharafa shad'iyya. Et c'est quoi leur but? Eux, ils disent, nous, on veut honorer les masajids d'Allah. Azib yutullah, on veut les honorer. On veut les embellir, qu'elles soient belles. Et quand on y adore Allah, leur but, c'est pas de faire mukharafa. Mais en faisant cela, ils font mukharafa. Et après, le mukharafa amène une autre mukharafa par génération après génération, à tel point que les gens, ils oublient. Donc à cette époque-là, les gens, lorsqu'ils ont mis les kebabs sur les kubur, il n'y avait pas de shirk à ce moment-là qui a été fait au début. Bel yad'ouna lahu wa yastaghfiruna hatta yanqarid man ya'rifuhu aw aktharuhum fayati man ba'dahum fayajidu qabran qad shujida 'alayhi al-bina wa surrijat 'alayhi ash-shumu' wa furishat bil firash al-fakhir. Donc il dit, même à l'époque, ces gens-là, qui avaient fait ces kebabs sur les kubours, ils faisaient dua pour eux. Ils ne demandaient pas non plus eux. Ils ne les invoquaient pas. Et après, les générations ont fini par disparaître. Et après, sont venus des gens qui, par la suite, ont vu ces lieux embellis, une cobre, une tombe embellie, sur lesquelles des bâtisses, sur lesquels il y a des lampadaires, car là-bas c'est interdit, sur lesquels il y a des étoffes. Ils s'imaginent que ces choses-là ont été mises là, pourquoi? Pour repousser un mal ou attirer un bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils tombent dans le shirk par la suite. Ça fait penser à l'histoire de qui? Comme Nour, à la Koul. C'est comme ça que ça a commencé. Au début, les premiers qu'on fait les taswir, c'était pas pour les adorer. C'était pour se les remémorer, par amour pour eux. Et époque après époque, génération après génération, les gens sont arrivés, ont oublié et sont tombés dans le shirk. Là, c'est pareil. C'est pour cela que les ulama, ils stoppent la chose. On coupe la balle à la racine, comme on dit depuis le début. Car aujourd'hui, vous ne le faites pas, mais demain, vous essayez de le faire comme l'ont fait ceux qui étaient avant vous. وَتَأْتِهِ السَّدْنَا يَكْزِبُونَ عَلَى الْمَيِّتِ بِيَنُهُ فَعَالِ وَفَعَالِ وَأَنْزَلَ فُلَانَ الْدَرَى بِفُلَانَ النَّفْ حَتَّى يُعْرِسُ فِي جِبِلَّتِهِ كل باطل والامر ما ثبت بالاحاديث النبويه من اللعن على من اسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها وحديث ذلك وصيه معروفه فان ذلك في نفسه من نهى عنه ثم هو ذريعه لمقصده عظيمه. Donc après, qu'est-ce qu'il vient? Il y a les sadana qui viennent. Sadana, on a dit, c'est qui le sadana? Non. Les dévots de ces tombes qui viennent et qui mentent sur le mayyit. Ils disent, il a fait telle chose, il a protégé un tel de tel mal, il a apporté tel bien à telle personne, et ainsi de suite. Ils le tribuent à bâtir que les gens se mettent à croire par la suite. Alors que plein de hadiths authentiques sont venus pour dire, pour appeler à la malédiction, celui par exemple qui viendrait pour apporter des lanternes ou éclairer les lieux des kouboures, ou qui construit sur les kouboures, qui les élève, ou qui crie dessus. Donc ces choses-là sont interdites en elles-mêmes. Qu'elles soient un moyen qui mène le shirk. L'autre jour, on en parlait. À qui ils ont attribué un tas de choses? À Madou Bamba, au Sénégal. La secte des Moulides, qui l'a fait telle chose. Regarde, aujourd'hui, les gens se mettent à l'adorer. Et on t'a quatre pattes à Touba pour l'embrasser les machaïrs. à quatre pattes pour l'embrasser des pieds, comme s'ils avaient une peur d'eux, tu vois. C'est comme ça, Abu Bamba, ils ont dit qu'il a fait telle chose, tel miracle. Après, des gens, ils ont cru. Et maintenant, aujourd'hui, c'est devenu l'un des lieux où, pour eux, le Hajj à Touba est meilleur que le Hajj à Mecca. Sans compter les autres choses qu'ils doivent faire, comme shirk, comme isti'afa, isti'aza, ou la azbillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et laissez la khabar comme mu'ayyen. Nous, on en parle, on n'a pas vu. Les gens qui ont vu, ils ont dit, quand tu vois, c'est encore plus choquant. Ça te dégoûte. Quand tu vois la chose de tes propres yeux, t'en es choqué. On finit avec ce paragraphe. قال فإن قلت هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة وانفقت عليه وفيها الأموال. Il dit donc, si tu me dis, quelqu'un qui vient en débattant, tu me dis, tiens, ça c'est le قبر du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Il y a une قبة dessus. Et plein d'argent a été dépensé sur son قبر. Donc comment? Lui c'est le prophète صلى الله عليه وسلم. Ça a été fait pour lui. Donc ce qui a été fait pour lui, pour eux c'est une hujja. Donc il répond, قلت هذا جهل عظيم فإن هذه قبة ليست بناؤها منه صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه ولا من علماء أمته بل هذه القبة معمورة على القبر على قبر سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم من أبنية بعض الملوك بعض ملوك مصر المتأخرين وهو قلاوون قلاوون نعم الصالح المعروف بالملك المنصور في سنة 78 و600 ذكره في تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة فهذه أمور دولية لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول دي ده سنغون نيورانس de prendre cela comme preuve car cette kubba qui était faite sur le kubr Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ça ne vient pas de lui cela c'est pas lui qui a dit de faire cela au contraire lui l'a interdit ce genre de choses ça ne vient ni de lui ni des sahaba ni des ulama. Cette kubba qui a été faite, ça c'est l'ordre de qui? D'un des rois, qui s'appelle Qalaoun, al-Malik al-Mansour, qui était un malik de Mus, en 678. Donc c'est longtemps après sa mort que ça a été fait. Donc ça, cette mas'ala, c'est une mas'ala qui est, comme on dit, c'est une mas'ala gouvernementale et non pas légiférée. Ça revient aux actes des gouverneurs, pas aux adil al-shari'a. Ou comme certains qui prennent la même shubuhat que le corps du Nabi sallallahu alayhi wa sallam est dans le masjid. Donc ils mettent les kouburs des awliya dans la masajid. On dit non, car les anbiya yudfanouna min haythu matou. Les anbiya sont enterrés là où ils meurent. Comme cela est venu dans le hadith de Abu Bakr radhiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort dans la hujra de Aïcha radhiyallahu anha. Donc il a été enterré là. Et cette hujra était collée au masjid. Et par la suite, le masjid, ils l'ont élargi. Donc ça a englobé la roufa de Aïcha. Mais après, j'ai jamais été là-bas, donc j'ai pas vu. Mais c'était construit de sorte à ce que le corps ne soit pas en direction de la Qibla et que tout soit fait pour que tu n'aies pas allé l'invoquer ou quoi que ce soit. Donc le corps n'a pas été entré dans la tombe, dans le masjid par la suite, ni le masjid a été bâti sur la tombe. C'est le masjid qui a été élargi par la suite. Donc il a englobé la tombe avec lui. Mais à la base, c'est une chose qui est à part. Donc ce n'est pas une hujja non plus. Alors que eux, ce qu'ils font, quelqu'un il meurt, il prend son corps et il l'emmène dans un masjid. Dans son masjid à lui, il l'enterre. Ou alors, là où il meurt, il l'enterre et ils font un masjid directement autour de lui. On dit le masjid était déjà là, à la base. Mais il a été élargi. Donc c'est une boîte pareille. Elle est fausse. « Wa'adha akhir ma'aradnahu mimma waridnahu lamma ammad bihi al-balawa ou al-balwa. » واتبعت الاهواء واعرض عن النكير الذي يجب عليه وما لا الى ما مالت العامه اليه وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا ولم نجد من الاعيان ناهيا عن تلك ولا زاجرا. Donc il dit maintenant c'est ça qu'on a voulu nous éclaircir par rapport à ça comme point de ce qui était évoqué des choses qui sont propagées énormément comme fléau et que les pensions ont suivi malheureusement, et donc peu de personnes ont fait le blâme. Il dit même le ma'alouf est devenu le munkar, et le munkar est devenu ma'alouf. Celui qui blâme, c'est devenu lui le mauvais, et celui qui fait, c'est devenu lui le bon. Donc, tout le contraire. Et il dit, on ne voit pas de personnes qui blâment cela. Mais comme on dit, il n'a pas vu, ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas. Le problème ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas. Voilà ce qu'on a pris aujourd'hui, la mas'ala, que le soukout du alim, toujours, n'est pas un hujjah, et que même le soukout ne veut pas dire que le alim est forcément d'accord, il se peut qu'il l'ait mis dans son cœur. Et que la kubba sur la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un dalil, car ce n'est pas lui qui l'a fait, ni ses compagnons, ni les ulama. Wa yadhalika. Tamam? Hada. Ma'akum Souhel? Merci Souhel. Fa ila huna wa alhamdulillah rabbil alamin.